إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Toujours dans traduction et quelques commentaires du livre القول المفيد في أدلة التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى. La semaine dernière on avait entamé le chapitre du jugement de construire des mausolées ou des monuments au-dessus des tombes. On avait lu la première parole de l'imam al-Shawkani rahimahullahu ta'ala dans son livre Sharh al-Sudur bi tahrim raf'i al-qubur, et nous continuons inshallah la lecture d'une deuxième citation de l'imam al-Shawkani rahimahullahu ta'ala, cette fois-ci dans son livre Nail al-Awtar. قال المؤلف حفظه الله تعالى وقال الإمام الشوكاني أيضا رحمه الله تعالى عند شرحه لحديث ولا قبرا مشرفا إلا سويته كما في النيل فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كثيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير كما قال الإمام يحيى والمهدي في الغيث لا يصح لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية وتحريم رفع القبور ظني ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أولويا القبب والمشاهد المعمورة على القبور وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك كما سيأتي. L'imam al-Shawkani, rahimahullahu ta'ala, a dit dans son livre Nail al-Awtar, qui est l'explication du livre Muntaqa al-Akhbar. Nail al-Awtar, Sharh Muntaqa al-Akhbar. Et Muntaqa al-Akhbar est un livre de qui? Man yadhkur? Là. L'imam? Les walid, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Du père, enfin, ou du grand-père de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, a fait un livre Muntaqa al-Akhbar, qui est un recueil de hadith, et l'imam Shawkani, rahimahullah, en a fait une explication qu'il a intitulée Nailu al-Awtar. Il dit, lorsqu'il explique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni une tombe élevée sans que tu ne l'aplanisses. Il dit, l'imam Shawkani rahimahullah, il y a dans cela que la preuve que la sunna concernant les tombes est qu'elles ne doivent pas être élevées. On avait vu la semaine dernière que l'élévation autorisée ne doit pas dépasser un empan. Et que les tombes ne doivent pas être élevées sans faire de distinction entre le mort, entre le défunt qui avait une valeur comme celui qui n'en a pas, que le défunt avait des mérites ou qu'il n'en avait pas, c'est-à-dire que ce soit un savant, que ce soit un gouverneur ou autre, il n'y a pas de différence dans cela, toutes les tombes doivent être aplanies. Et ce que l'on retient de ce hadith également, c'est que d'élever les tombes au-dessus de la hauteur autorisée est interdit. Et c'est ce qu'a attesté l'imam Ahmed et des partisans de l'imam Shafi'i et de l'imam Malik, et l'imam Malik également. Et quant à certains qui disent que cela n'est pas interdit car il y a parmi les salafs chez qui ces choses étaient présentes sans qu'ils ne parlent, sans qu'ils ne condamnent, il dit, l'imam Shawkani, rahimahullah, que le fait de ne pas condamner ne veut pas dire que cela est autorisé. Il y avait des circonstances qui ont fait qu'il ne pouvait pas condamner ce genre de choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui fait cela, c'est-à-dire de construire ou de surélever des tombes, comme cela va être cité un peu plus tard. وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع. Mais je pense que la traduction française, vous ne retrouvez pas ce chapitre. Il n'y a eu qu'une citation de l'imam Shawkani qui a été traduite. La deuxième ne l'est pas. Peut-être que lorsqu'ils ont traduit le livre, il n'y avait pas encore cet ajout dans l'édition qu'ils avaient entre leurs mains. Wallahu a'lam. Donc, inutile de chercher, vous ne le trouverez pas. طيب. منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه فإنا لله وإنا إليه راجعون. Et le prophète عليه الصلاة والسلام a donc maudit celui qui construit des mausolées ou des monuments ou mosquées au-dessus des tombe. Et combien de mal ont apporté les mausolées et tout ce qui est construit au-dessus des tombes. Cela a apporté de nombreux mâles qui font pleurer. Parmi ces égarements, le fait que des ignorants considèrent ou aient une croyance vis-à-vis de ces tombes identique à la croyance qu'avaient les polythéistes vis-à-vis de leur statut, en pensant que ceux qui sont enterrés ont un pouvoir d'apporter un bien ou de repousser un mal. Et ils font de ces tombes des endroits vers lesquels ils se dirigent pour pouvoir avoir ou obtenir les choses dont ils ont besoin. Et ils demandent à ces morts enterrés dans leur tombe ils demandent des choses que les serviteurs demandent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils voyagent vers ces tombes, ils s'essuient dessus, ils demandent secours à ceux qui sont enterrés dans ces tombes. Et de façon générale, il n'y a pas une chose que faisaient les polythéistes vis-à-vis de leur idole sans que ces mêmes personnes le font vis-à-vis de ceux qui sont enterrés dans ces tombes. فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Et c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. وَمَعَ هَذَا الْمُنْكَرِ الشَّنِيعِ وَالْكُفْرِ الْفَظِيعِ لَا نَجِدُ مَنْ يَغْضَبُ لِلَّهِ وَيَغَارُ حَمِيَّةً لِلدِّينِ الْحَنِيفِ لَا عَالِمًا وَلَا مُتَعَلِّمًا لَا أَمِيرًا وَلَا وَزِيرًا وَلَا مَلِكًا وَقَدْ تَوَارَدَ إِلَيْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا لَا يَشُكُّ مَعَهُ أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فجرا فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق الشرك من قال إنه تعالى اثنين أو ثالث ثلاثة. Puis l'imam Shawkani رحمه الله continue en disant: et malgré ce mal immense et cette mécréance abominable, nous ne trouvons pas qui s'énerve pour Allah et qui est pris de ghayrah, de jalousie vis-à-vis de cette religion immense, ni savant, ni étudiant, ni émir, ni ministre, ni roi. Et beaucoup d'informations nous sont parvenues, qui ne laissent aucun doute sur le fait que beaucoup de ceux qui adorent les tombes, ou la plupart d'entre eux, lorsque ils sont en désaccord avec une personne et qu'on leur demande de jurer, ils jurent par Allah sans aucun scrupule. Mais lorsqu'on lui dit par la suite, jure par ton cher untel, ou par la croyance que tu as vis-à-vis de tel et tel saint, alors il hésite, alors il refuse et admet la vérité. Et ceci est une preuve des plus parlantes, qui prouve que leur polythéisme a atteint un degré supérieur de celui qui dit qu'Allah est deux ou qu'Allah est un des trois. Autrement dit, des chrétiens. فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين أي رزء للإسلام أشد من الكفر وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي انتهى. وقد نقل هذا الإمام المحدث الألباني في كتابه أحكام الجنائز. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيما لما لم يعظمه الله وعكوفا على أشياء لا تنفع ولا تضر وصدا للخلق عن سبيل الله. يا الإمام الشوكاني رحمه الله de conclure en disant: ô vous les savants de la religion et ô vous les rois des musulmans, quel malheur pour l'islam est plus grand que la mécréance, et quelle épreuve pour cette religion est plus néfaste que d'adorer autre qu'Allah, et quel malheur est équivalent à, et quel malheur touchant les musulmans est équivalent à ce malheur, et quel mal doit être condamné plus que ce polythéisme qui est flagrant. Et il cite deux vers de poésie où je traduis le sens. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. Tu aurais pu te faire entendre si celui que tu appelais était vivant, mais point de vie pour celui que tu appelles. Autrement dit, ces personnes qui adorent les tombes, lorsque tu leur parles et lorsque tu les exhortes, eh bien, ils sont tellement dans leur égarement que ils ne prêtent pas attention à tes paroles. Tu aurais pu te faire entendre si celui que tu appelais était vivant, mais point de vie pour celui que tu appelles. Et si tu soufflais sur du feu, effectivement, il aurait éclairé, mais voilà, mais tu souffles sur de la poussière. Mais tu souffles sur de la poussière. Ainsi, celui qui souffle dans de la poussière, est-ce qu'il peut éclairer? Non. Au contraire, il va rajouter de l'obscurité et du flou. Et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wasabi, hafidhahullah ta'ala, dit, et l'imam al-Albani, rahimahullah, dans son livre « Ahkam al-Janaiz », les règles funéraires, à la page 265, a cité ces deux paroles de l'imam al-Shawkani, ou a cité la dernière de celle-ci. Donc pour ceux qui veulent retourner au détail, qu'ils retournent au livre de Cheikh Al-Albani, les règles ou les jugements des règles funéraires. Et Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans son livre Iqtida al-Sirat al-Mustaqim, a dit: et ces endroits pleins de fausseté et nuls ont été mis en place pour combattre les maisons d'Allah et pour immensifier une chose qu'Allah n'a pas immensifiée, et pour se retourner, et pour retourner ou s'accrocher sur des choses qui n'apportent aucun bénéfice et ne repoussent donc un mal. Et il conclut en disant, rahimahullah, et également toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce qui est construit au-dessus des tombes, et toutes ces tombes qui sont adorées et vénérées, tout ceci a été mis en place pour détourner les créatures du sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? طيب. ثم قال المؤلف حفظه الله تحريم الصلاة إلى القبور. L'interdiction de prier en direction d'une tombe. عن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها أخرجه مسلم. قلت النص صريح في تحريم الصلاة إلى القبور وفي تحريم الجلوس عليها كما هي القاعدة الأصولية الأصل في النهي التحريم إلا لصارف ولا صارف له هنا فليتق الله رجال يخالفون أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتذكروا قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Selon Abu Marthad al-Ghanawi radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne priez pas en direction d'une tombe et ne vous asseyez pas dessus » rapporté par Muslim. Cheikh al-Wasabi rahimahullah dit que ce hadith est une preuve claire de l'interdiction de prier en direction d'une tombe ainsi que de l'interdiction de s'asseoir dessus. Et comme la règle dans les bases du fiqh est claire en disant que la base dans une interdiction dans une interdiction est at-tahrim. C'est l'interdiction, sauf s'il y a une chose qui vient exclure ceci. Et point d'exclusion, ou point de chose qui sort du lot. Ainsi, ces personnes qui contredisent les ordres d'Allah et les ordres de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils craignent Allah, et qu'ils se rappellent de la parole d'Allah Azza wa Jal, que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ses commandements, que ne les touche une tentation, ou qu'ils soient victimes, ou que ne les frappe un châtiment douloureux. Surat An-Nur, le verset 63. ثم قال المؤلف حكم الزيارات السنوية المحددة لبعض القبور. Le jugement des visites annuelles spécifiques à certaines tombes. سؤال هل هذه الزيارات السنوية المحددة لبعض القبور والتي يقع فيها الرقص والاختلاط وغير ذلك من أنواع المنكرات فهل يقرها الشرع؟ الجواب ولله الموفق والله الموفق للصواب. الشيخ الوصابي حفظه الله سيت إن فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله dans son livre مجموع الفتاوى le volume 1 page 165-166, une question qui a été posée à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah et à laquelle il apporte une réponse précise et détaillée sur le jugement de visiter des tombes de façon annuelle, ça peut être plus ou moins. La question qui lui a été posée est-ce que ces visites annuelles bien précise, qui concerne certaines tombes, et dans laquelle il y a, dans lesquelles on y danse, et ces lieux dans lesquels les hommes et les femmes sont mélangés, et bien d'autres choses qui sont mauvaises, est-ce que l'islam, est-ce que la législation accepte cela? La réponse, إن هذه الزيارات السنوية المحددة لبعض القبور والتي يقع فيها الرقص والاختلاط وغير ذلك من أنواع المنكرات لا يقرها الشرع بل هي من الأمور المحدثة في الدين والعادات السيئة التي ما أنزل الله بها من سلطان. Ces visites annuelles précises qui concernent certaines tombes et dans laquelle autour desquels il s'y trouve où on y danse et dans lesquels les hommes et les femmes sont mélangés et bien d'autres choses reprochables et qui font partie des maux n'est pas accepté par la religion. Et cela fait partie des choses innovées en islam. Et cela fait partie des mauvaises coutumes qui ne sont soutenues par aucune preuve révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. والواجب على المسؤولين ثبتنا الله وإياهم على الحق والعلماء وفقنا الله وإياهم أن يغيروا مثل هذا المنكر الشنيع الذي يدعو إلى هدم العقيدة الإسلامية من قلوب الرجال والنساء بدعائهم وذبحهم ونذرهم لغير الله ويدعون إلى تدهور الأخلاق والقيم الإسلامية وقد سبقت أدلة التحذير من البدع فراجعه وهذه من البدع لكونهم خصوا زمانا ومكانا وقبرا بدون دليل شرعي وقد ينضم إليها بعض المنكرات والشركيات والعياذ بالله ثم اعلموا وفقني الله وإياكم أن زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي كما يلي. Puis, Cheikh l'Islam, rahimahullah, continue en disant, et il est du devoir des responsables, c'est-à-dire de ceux qui ont le pouvoir, qu'Allah me raffermisse et les raffermisse dans la vérité. Comme il est du devoir des savants, qu'Allah me guide vers la vérité, ainsi que eux, de changer et de condamner ces choses mauvaises qui appelle à la destruction de la croyance musulmane du cœur des hommes et des femmes. Ceci dans leur invocation, dans leur sacrifice, dans leur vœu pour autre qu'Allah. Et ceci appelle à la chute et à la destruction des comportements et des valeurs musulmanes. Et les preuves pour mettre en garde contre les innovations sont nombreuses, retourne à celles-ci, et ceci fait partie des innovations. Car ils ont spécifié un moment de l'année, un lieu et une tombe sans qu'il n'y ait dans cette spécification une preuve dans la religion. Ajoutez à cela, ou s'ajoute à cela, certaines choses interdites et des actes qui font partie du polythéisme qu'Allah nous en préserve. Puis sachez qu'Allah me guide ainsi que vous dans la vérité, que la visite des tombes se divise en trois et elles sont comme suit. أولاً زيارة شرعية ثانياً زيارة بدعية ثالثاً زيارة شركية. Que les visites des tombes sont de trois sortes. La première, la visite légiférée. La deuxième, la visite innovée. Et la troisième, la visite qui comporte du shirk, du polythéisme. أولاً فأما الزيارة الشرعية فهي التي شرعها الإسلام وتوفر فيها هذه الشروط الثلاثة. Quant à la première visite qui est la visite légiférée, c'est celle qui est légiférée en islam et qui remplit les trois conditions suivantes. أولاً, أن لا يشد الرحال إليها. Premièrement, de ne pas voyager vers celle-ci. C'est-à-dire de ne pas partir d'un pays à un autre uniquement pour aller voir cette tombe. C'est pour ça qu'on le dit à plusieurs reprises, lorsque l'on se rend à Médine, on se rend pour prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et en aucun cas, l'intention ne doit être d'aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى أخرجه البخاري بلفظ لا تشد الرحال ومسلم في الحج واللفظ له ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ النفي. Et la preuve de cette première condition est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne voyagez que vers trois mosquées. Ma mosquée-ci, la mosquée de la Mecque, la mosquée sacrée, c'est-à-dire de la Mecque, et la mosquée de Jérusalem, apportée par Al-Bukhari et Muslim. Thaniyan, an la yaqul az-za'iru hujra. Deuxième condition, que le visiteur ne dise pas des paroles malsaines, indécentes, immorales. An Buraydah radiyallahu anha. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أخرجه مسلم والنسائي في الجنائز بلفظ نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزور ولا تقولوا هجرا وإسناده صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا هجرا الهجر بضم الهاء هو الكلام الفاحش راجع إن شئت النهاية لابن الأثير. Selon Bourayda radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-les. » Hadith apporté par Muslim et An-Nasa'i. Et dans la version de l'imam An-Nasa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant celui qui veut les visiter, qu'il les visite et ne dites pas des paroles malsaines, indécentes, immorales. » Al-Hujru, en arabe, c'est la parole indécente, immorale. Et celui qui veut la définition plus complète, qu'il retourne au livre de l'imam Ibn al-Athir, Al-Nihaya. Qultu. فانظر رحمك الله كيف نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القول الفاحش والباطل عند زيارة القبور وأي قول أعظم فحشا وبطلالا من أن تدعو الأموات من دون الله وتستغيث بهم من دون الله فهذا والله لهو منتهى الفحش والبطلان ولكن الأمر كما قال الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون في 11 موضعا في القرآن الكريم وهي في الأعراف ويوسف والنحل والروم والسبأ وغافر والجاثية وصدق الله إذ يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Cheikh Al-Wasabi, hafidhahullah, dit en commentaire, en guise de commentaire sur le hadith de Buraïda, regarde qu'Allah te fasse entrer dans sa miséricorde. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de dire des paroles malsaines et indécentes et fausses lorsque l'on rend visite aux tombes. Et quelle parole est plus indécente? Et quelle parole est plus fausse que d'invoquer des morts en dehors d'Allah et d'implorer d'eux le secours en dehors d'Allah? Ceci par Allah est le summum de l'indécence et de la fausseté, mais le sujet est comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, mais la plupart des gens ne savent pas, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit dans 11 endroits du Coran qui sont Surat Al-A'raf, le verset 187, Surat Yusuf, les versets 21, 40 et 68, Surat An-Nahl, le verset 38, Surat Ar-Rum, les versets 6 et 30, Surat Saba, les versets 28 et 36, Surat Ghafir, les versets 57, et Surat Al-Jathiyah, les versets 26. Dans tous ces versets, Allah Azza wa Jal dit, mais la plupart des gens ne savent pas. Et Allah Azza wa Jal a dit vrai, lorsqu'il a dit, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Thalithan, an la takhussa bi zamanin idh la dalil ala at-takhsis. Et la troisième condition, c'est de ne pas spécifier la visite à un moment bien donné ou particulier, car il n'y a aucune preuve qui vient spécifier cela. Donc les trois conditions pour que la visite soit légiférée, la première est qu'on ne doit pas voyager vers celle-ci. Deuxièmement, de ne pas dire des paroles malsaines et indécentes. Et troisièmement, de ne pas consacrer un moment particulier pour aller visiter ces tombes. ثانياً وأما الزيارة البدعية فهي التي تفقد شرطاً من هذه الشروط فضلاً عن أكثر. Quant à la deuxième sorte de visite qui est la visite innovée, Cheikh Hafidhahullah nous simplifie en nous disant que toute visite qui est dépourvue d'une des trois conditions précédemment citées ou de plus est une visite innovée. Si une des conditions n'est pas respectée, à savoir de celui qui se rend, qui voyage pour visiter, eh bien, cela est une visite innovée. Ou lorsqu'il ne voyage pas pour cette tombe, pour autre chose, mais une fois arrivé, il consacre un moment particulier, je sais pas, il dit tout le temps, après la rassol, je rends visite. En considérant que c'est ainsi qu'il faut faire. En considérant que c'est ainsi qu'il faut faire, eh bien, c'est une visite innovée et également s'il dit des choses malsaines et fausses. Que ce soit invoquer ce mort, lui demander le secours, lui demander quelque chose que ce soit, eh bien, dans ce cas, cela est considéré comme une visite innovée et peut-être même considéré comme une visite comportant du polythéisme. Et c'est la troisième sorte de visite que cite le Cheikh حفظه الله وأما الزيارة الشركية فهي التي وقع صاحبها في نوع من أنواع الشرك بالله كدعاء غير الله أو الذبح لهم أو النذر لهم أو الاستغاثة بهم أو الاستعاذة بهم أو طلب الولد أو طلب المدد أو المطر أو الشفاء أو دفع عدو وضر وجلب نفع إلى غير ذلك من أنواع الشركيات. Et la troisième sorte de visite des tombes qui est une visite considérée comme comportant du polythéisme, c'est celle dans laquelle celui qui visite commet des actes qui font partie du polythéisme, comme d'invoquer autre qu'Allah, comme de sacrifier pour les morts, pour le mort, ou de faire des vœux qui leur sont voués, ou de leur demander le secours, ou de demander leur protection, ou de leur demander des enfants, ou de leur demander assistance, ou de leur demander la pluie, ou de leur demander la guérison, ou de leur demander de repousser un ennemi ou un mal, ou d'apporter un bien, et toutes sortes d'actes qui font partie du polythéisme, wal'ayadu billah. ثم قال المؤلف حفظه الله حكم من جعل المقابر طرقا وملاعب. Le jugement de faire des tombes des chemins, des routes ou des endroits de jeu. سؤال هل يجوز جعل المقابر طرقا ومواقف للسيارات وبناء الدكاكين عليها وغير ذلك من أنواع الإهانة. La question est-ce qu'il est autorisé de faire des cimetières, des routes, des chemins que traversent les gens, ou d'en faire des parkings de voitures, ou de construire dessus des locaux commerciaux, ou toute autre chose qui font partie des moyens de rabaissement. الجواب والله الموفق للصواب أن الاعتداء والظلم حرام سواء كان على الأحياء أو على الأموات بل إنه على الأموات أشد حرمة لهذين الحديثين النبوين الشريفين. أولا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر أخرجه مسلم والثاني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق راه ابن ماجه بإسناد صحيح انظر الجامع الصحيح الشيخ مقبل حفظه الله تعالى قلت وعليه فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤذي أخاه المسلم حيا كان أو ميتا وعلى الدولة أن تمنع الظلمة الذين يتخذون المقابر طرقا وأسواقا ومجالس عليها يتكئون وعلى العلماء بيان الحق الذي عليهم والله الموفق. Concernant le jugement de faire des tombes, des chemins, des routes ou des stations ou des parkings de voitures et d'y construire des locaux commerciaux, des boutiques commerce. La réponse est que de porter atteinte et d'être injuste est interdit. Ceci, que tu sois injuste ou que tu portes offense, aux vivants comme aux morts. Et il est même plus grave de porter atteinte aux morts. Et la preuve sont ces deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Le premier, le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous s'assied sur une braise de feu qui brûlerait ses vêtements jusqu'à brûler sa peau est meilleur pour lui, serait meilleur pour lui que de s'asseoir sur une tombe. Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Et le second hadith est le hadith de Uqba ibn Amir radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de marcher sur une braise, ou de marcher sur une épée, ou de coudre mes sandales à mes pieds, est plus aimé chez moi que de marcher sur la tombe d'un musulman. Et il est identique de faire ses besoins dans un cimetière, au milieu d'un cimetière, que de faire son besoin au milieu d'un marché. Est-ce que quelqu'un ferait ses besoins au milieu d'un marché ? Non. Cela est grave, cela est honteux et humiliant. Eh bien, cette gravité et cette humiliation est identique s'il faisait ses besoins au milieu d'un cimetière où il n'y a, la plupart du temps, personne, surtout dans les heures creuses. Et Cheikh Al-Wasabi, hafidhahullah, dit « Ainsi, il est interdit aux musulmans qui croient en Allah et au jour dernier » de porter atteinte à son frère musulman, qu'il soit vivant ou mort. Et les gouvernements doivent interdire à ces injustes qui ont fait des tombes, des routes, des chemins, ou qui en ont fait des marchés, ou qui en ont fait des lieux de rassemblement, d'interdire cela. Regardez le juste milieu des gens de la Sunna. D'un côté, ils interdisent l'excès vis-à-vis des morts, mais cela ne veut pas dire que les morts ne sont pas respectés. Au contraire, comme on l'a vu, les morts doivent être respectés plus que les vivants. Car beaucoup disent, regardez ces wahhabis, ils interdisent d'aller se rendre dans la tombe de tel et tel saint. Pour eux, les morts n'ont aucune valeur, ils n'ont aucun respect, ils sont dénigrés, ils sont humiliés, etc. Non, la réponse est non. Le musulman est respecté, vivant comme mort, mais de le respecter, c'est de lui donner sa juste valeur. Et de le respecter, c'est de visiter sa tombe, conformément à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, et non pas de faire de cette visite une visite innovée, et voir, comme malheureusement on le constate dans beaucoup de pays, voir des visites qui comportent du polythéisme, wal'iyadu billah. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء فإن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة إذ هو بيت المسلم الميت فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق ولا يوطأ ولا يداس ولا يتكأ عليه عندنا وعند جمهور العلماء ولا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة ويستحب عند إتيانه السلام على صاحبه والدعاء له وكلما كان الميت أفضل كان حقه أوكد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله dit dans son livre الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم, la tombe du musulman a un caractère sacré conformément à ce qui est rapporté dans la sunna, car c'est la maison du musulman défunt. La tombe, c'est la maison du musulman défunt. Ainsi, on ne doit laisser dans celle-ci ni impureté. On ne doit pas la piétiner, marcher dessus. On ne doit pas l'humilier. On ne doit pas s'accouder dessus et s'asseoir dessus, comme c'est notre avis et l'avis de la majorité des savants. Et de ne pas faire et de ne pas commettre des choses qui pourraient porter atteinte aux morts, que ce soit des paroles ou des actes malsains. Et il est recommandé, de, lorsque l'on rend visite à ces morts, de leur passer le salam et d'invoquer en leur faveur. Et plus le défunt a de la valeur, et plus ses droits sont avérés. Et plus ses droits sont avérés. وقال العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز ومنه تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الإسلامية من درس بعض المقابر الإسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني دون أي مبالاة بحرمتها أو الاهتمام بالنهي عن وطئها وكسر عظامها ونحو ذلك ولا يتوهمن أحد أن التنظيم المشار إليه يسوغ مثل هذه المخالفات كلا فإنه ليس من الضروريات وإنما هو من الكماليات التي لا يجوز بمثلها الاعتداء على الأموات فعلى الأحياء أن ينظموا أمورهم دون أن يؤذوا موتاهم. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله a dit dans son livre أحكام الجنائز, qui est un des meilleurs livres écrits concernant les règles funéraires, ainsi tu as pris connaissance de l'interdiction de ce que font certains gouvernements musulmans en supprimant et en supprimant certains cimetières musulmans et en nabshiha et en profanant ces tombes pour justification une restructuration urbaine sans prêter attention au caractère sacré de ces tombes, ou de se préoccuper de l'interdiction de marcher dessus et de casser ses os. Car dans le hadith, le prophète a dit كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَسْرُ عَظْمِ الْمُسْلِمِ حَيَّنْ كَكَسْرِهِ كَسْرُ عَظْمِ الْمُسْلِمِ مَيِّتَنْ كَكَسْرِهِ حَيَّنْ. De casser l'os d'un musulman défunt est comme de lui casser lorsqu'il est vivant. Et Cheikh l'Albani rahimahullah dit, et que personne ne pense que ces restructurations urbaines auxquelles il a été fait allusion peuvent justifier ces interdictions. Bien au contraire, cela ne fait pas partie des choses essentielles de refaire l'urbanisme ou autre. Cela ne fait pas partie des choses essentielles, mais cela fait partie des choses superficielles, et en aucun cas cela ne pourrait autoriser une telle atteinte envers les morts. Et il dit, rahimahullah, une parole très belle, ainsi les vivants doivent gérer leur sujet sans porter atteinte à leur mort. Sans porter atteinte à leur mort. La terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour refaire une restructuration urbaine en excluant les cimetières? La réponse est et oui. ومن العجائب التي تلفت النظر أن ترى هذه الحكومات تحترم الأحجار والأبنية القائمة على بعض الموتى أكثر من احترامهم للأموات أنفسهم، فإنه لو وقف في طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الأبنية من القباب أو الكنائس ونحوها تركتها على حالها وعدلت من أجلها خارطة التنظيم إلى إبقاء إلى من أجلها خارطة التنظيم إبقاء عليها لأنها يعتبرونها من الآثار القديمة، وأما قبور الموتى أنفسهم فلا تستحق عندهم ذلك التعديل انتهى. Et parmi les choses les plus étonnantes qui attirent l'attention, c'est de voir certains de ces gouvernements qui respectent des pierres et des monuments construits au-dessus des tombes plus que le respect qu'ils ont envers les morts eux-mêmes. Et si était présent dans la carte qu'ils ont tracée ou qu'ils ont construite, si y est présent certains de ces mausolées ou des églises ou autres, eh bien ils les laissent intactes et ils les laissent telles quelles et revoient leur copie concernant cette restructuration urbaine, car ils considèrent cela comme des... comment on pourrait traduire ça? Comme des vestiges, barakallahu fi, comme des vestiges anciens qui en aucun cas ne doivent être détruits ou remis en cause. وَأَمَّا قُبُورُ الْمَوْتَى et quant aux tombes des morts, eh bien, chez eux, elles ne méritent pas une justice équivalente. Intaha. Fin de citation de Cheikh l'Albani, rahimahullahu ta'ala. وَسُئِلَ الشَّيْخُ مُقْبِلِ بْنُ هَادِ الْوَادِعِي حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ جَعَلَ الْمَقَابِرَ سُوقًا كَمَا فِي قَمْعِ الْمُعَانِدِ فَأَجَابَ الْمَقْبَرَةُ تُعْتَبَرُ بُيُوتُ الْمَوْتَى فلا يجوز لأحد أن يجلس على قبر ولا يجوز أن تمر السيارات على المقبرة ولا أن يجلس على قبر ولا أن يمر الناس على المقبرة ولا أن يحول موضع المقبرة إلى ملعب ولا معهد ولا مدرسة ولا مسجد إلى غير ذلك من المصالح والواجب على المسلمين أن يتناهوا عن هذا حتى لو بنيت بيتا من خمسة طوابق وأكثر وهو على المقبرة فلا يجوز أن تسكن فيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس على القبر انتهى بتصرف. إيه الشيخ مقبل ابن هادي الودعي رحمه الله تعالى أجي lorsqu'il était questionné sur le fait de faire d'une tombe un marché. Il a répondu, Al-Maqbaratu, le cimetière est considéré comme la maison des morts. Ainsi, il est interdit de s'asseoir sur une tombe, comme il est interdit aux voitures de passer sur des cimetières. Il est interdit également aux gens de faire du cimetière un endroit de passage, ni de changer et de faire d'un cimetière un endroit de jeu, ou un centre, ou une école, ou une mosquée, ou toute autre chose qui a un bénéfice, ou qui apporterait un bénéfice. Et il est du devoir des musulmans de stopper cela. Même si une maison de 5 étages était construite sur un cimetière, il serait interdit d'y résider, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de s'asseoir sur une tombe. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى تحريم أذية المسلمين. في الشيخ الوصابي حفظه الله هو الشابيد de l'interdiction de porter atteinte aux musulmans. قال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه حدثنا يحيى بن أكثم والجارود بن معاذ قال حدثنا الفضل بن موسى حدثنا الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله ولو في جوف رحله رجال السند يحيى بن أكثم هو الفقيه القاضي وفي التقريب صدوق وفيه كلام انظره في التهذيب لكنه هنا مقرون بالجارود والجارود بن معاذ وثقه النسائي كما في التهذيب والفضل بن موسى وثقه غير واحد والحسين بن واقد قاضي مرو وثقه يحيى ابن معين وقال أبو زرعة والنسائي ليس به بأس انظر التهذيب وأوفى بن دلهم وثقه النسائي ونافع هو مولى عبد الله بن عمر قال في التقريب ثقة ثبت فقيه وابن عمر هو عبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي قلت في الحديث صحيح والحمد لله وفيه تحريم أذية المسلمين وتحريم تعييرهم وتحريم تتبع عوراتهم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وانظر الجامع الصحيح للشيخ مقبل رحمه الله تعالى. Donc l'interdiction de porter atteinte aux musulmans et الشيخ الوصابي حفظه الله cite le hadith apporté par al-Tirmidhi رحمه الله et authentifié par الشيخ الألباني. Entre autres, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, qui raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar et a exhorté les gens en élevant sa voix sallallahu alayhi wa sallam et en disant ô vous qui vous êtes soumis par vos langues mais pour lesquelles la foi ne s'est pas encore répandue dans le cœur, ne portez pas atteinte aux musulmans, ne vous moquez pas d'eux et ne suivez pas leurs défauts. Car celui qui suit les défauts de son frère musulman, Allah suivra son défaut. Et celui qu'Allah, à qui Allah Azzawajal suit son défaut, eh bien, il yafdahu, il le dévoilera même au fin fond de sa maison. Il le dévoilera même au fin fond de sa maison. Et Cheikh al-Wasabi hafidhahullah dit que ce hadith est authentique et qu'il est clair dans le fait qu'il est interdit de porter atteinte aux musulmans, il est interdit de se moquer de lui comme il est interdit de suivre ses défauts. On aktafi bihadha al-qadr, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et le prochain cours, inshallah, sera le dernier cours de ce livre Al-Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid. Et comme je vous l'avais annoncé à plusieurs reprises, le prochain livre que l'on fera inshallah ta'ala sera Al-Mulakhas et Sharhi Kitab al-Tawhid, Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala.